Moi, j'aime tracer des traits entre les différentes choses qui m'arrivent dans la vie. Tu vois, les jours s'enchaînent, ils forment une ligne, ils forment un serpentin qui descend le long du mois. Mais les choses peuvent faire écho entre elles, du coup former une constellation. Nous, on appelait ça la règle des 24 heures avec une amie. Et c'était cette idée que lorsqu'une même chose arrivait dans ta vie sous deux angles différents, mais totalement différents, qui n'avaient pas de lien, bam, on criait règle des 24 heures. Ça ne changeait pas grand-chose, mais juste on remarquait la coïncidence, on éveillait notre regard à ces improbables coïncidences de la vie. Du coup, il ne s'agit pas de démontrer scientifiquement qu'il y avait un lien, de leur donner une interprétation mystique, ni quoi que ce soit. Et c'était pas non plus des choses où, comme la publicité, on voit tellement une image que finalement on finit par acheter et on se rend pas compte. Et c'était juste ne pas être indifférente à ces petits traits poétiques qui entourent notre vie. Le mois dernier, j'ai eu droit à un enchaînement de cette règle-là. Ça m'était jamais arrivé. Un matin en cours, j'étudie le monologue de Lavare, d'Harpagon, très connu. Le soir, je me retrouve au théâtre et quoi? Ce monologue apparaît. Donc, a priori, bon, c'est un classique, c'est pas très, très étrange. Le fait est que ça s'agissait d'une pièce d'un metteur en scène contemporain portugais, donc a priori, pas grand-chose à voir avec Molière, et que ce spectacle parlait de la dernière souffleuse du Théâtre National de Lisbonne, qui était sur scène et qui soufflait le texte aux acteurs. Et elle nous racontait qu'elle avait toujours vu la vie comme sous-tendue de coïncidences invisibles à l'image de son souffle. C'était assez beau. Le lendemain, on reçoit un intervenant acteur en cours et qui nous confie qu'en ce moment, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'intuition. C'est cette idée que des fois, t'as des choses qui te viennent à l'esprit, que tu comprends pas pourquoi, et que plus tard, elles prennent un sens. T'as eu l'intuition, t'as eu cette intuition-là. Et lui nous a parlé du concept d'éternité simultanée, qui, de ce que j'ai compris, en faisant un petit peu des recherches, mais j'ai pas trouvé grand-chose, est plutôt un concept en théologie. Et c'est cette idée qu'il n'y a pas vraiment de passé, de présent et de futur, que tout est déjà là, et qu'en fait, on y est plus ou moins sensible. Donc le soir, du coup, ça m'avait un peu trotté dans la tête. Le soir, je finis le livre que j'étais en train de lire à ce moment-là, qui s'appelle Oracle Night de Paul Auster. Et là, il y a une phrase qui m'interpelle. Du coup, je l'ai traduite. C'est peut-être un petit peu approximatif. C'est une conversation entre deux écrivains, dont le plus âgé dit à l'autre: tout ce qui est humain est réel, et quelquefois, on sait des choses avant qu'elles n'arrivent, même si on ne s'en rend pas compte. On vit dans le présent, mais le futur est en nous à chaque instant. C'est peut-être ça l'écriture. C'est pas retranscrire des événements du passé, mais provoquer des choses dans le futur. Et là, cette phrase, bam, elle interpelle l'autre écrivain, et plus loin, il se dit lui-même: à ce moment-là, je savais quelque chose que je ne savais pas ce que je savais. À certains moments pendant ces jours-là, je sentais que mon corps était devenu transparent, une membrane poreuse à travers laquelle passent toutes les forces invisibles du monde. Du coup, je m'endors en méditant un peu sur ça, sur comment tout me ramenait à l'intuition pendant cette journée. Et le lendemain, bah, je décide de commencer un nouveau livre. Je me dis d'y aller. Encore un autre en anglais. Et je tombe dans ma bibliothèque, un peu par hasard, sur A Tale of Two Cities de Charles Dickens, qui est le conte de deux cités en anglais. Et je vois la couverture qui est un peu jolie, je me dis c'est un classique, j'en entends souvent parler. Bref, allez, pourquoi pas. Là, j'ouvre le livre, et la première phrase, c'est It was the best of times, it was the worst of times. En gros, c'est une longue phrase assez connue qui est remplie d'oxymores. Et la veille, je l'avais remarquée dans l'autre livre. Et je m'étais dit, ah, c'est ouf, mais cette phrase, d'où est-ce qu'elle vient? En fait, c'est un personnage qui est en train de l'écrire. Et Et là, quand j'ai vu que c'était la première phrase du livre que j'avais ouvert par hasard, mais genre, je suis devenue dingue. Bon, tout ça pour dire qu'il s'agit juste de tracer des constellations. Moi, personnellement, je ne leur donne pas d'interprétation. Je ne vais pas jusque-là, ça ne m'intéresse pas forcément non plus. C'est juste que je les remarque et ça me fait sourire de penser qu'il y a des petits liens un peu partout qui apparaissent si on veut bien les voir. Et du coup, je vais finir cet épisode avec les mots de Rodrigo Garcia, qui est un metteur en scène argentin, qui monte beaucoup de spectacles en France. Et ton spectacle, il y a quelques années, qui s'appelle Daisy, je crois que c'est dans son programme de salle. Il écrit: la poésie est à mettre sur une liste de courses à faire. Pas pour aller en acheter, mais pour se rappeler qu'il existe en nous la capacité d'engendrer du mystère.